Affaires sensibles, du lundi au vendredi sur France Inter, à partir de 15h. Aujourd'hui dans Affaires sensibles, premier volet de notre série sur les erreurs judiciaires, l'histoire de Raymond Miss et Gabriel Quieno, deux jeunes hommes condamnés à tort dans une affaire criminelle. Le 31 décembre 1946, le corps d'un garde-chasse est retrouvé dans le Pays de Bresnes, une région naturelle près de Châteauroux. La victime est un employé de Jean Lebaudy, un riche et puissant industriel qui règne comme un seigneur sur ses terres. Il se trouve que ce magnat du sucre va faire pression sur la police et les gendarmes pour que les coupables soient retrouvés. Et très vite, un groupe de jeunes chasseurs est interpellé. Pendant plus d'une semaine, ils sont torturés et finissent par avouer leur implication dans le meurtre du garde-chasse. Les coupables, ainsi désignés, s'appellent Raymond Miss et Gabriel Quieno. Incarcérés à la prison de Châteauroux, tous les chasseurs inquiétés reviennent sur leurs aveux. Pourtant, malgré cette rétractation et la faiblesse des preuves matérielles, ils sont tous inquiétés. Mais seuls Raymond Miss et Gabriel Quieno comparaîtront devant une cour d'assises et seront lourdement condamnés. C'est au début des années 80 qu'un comité de soutien se met en place pour demander la révision de leur procès. Année après année, les nouveaux éléments ne laissent plus de place au doute. Raymond Miss et Gabriel Quieno sont innocents. Mais la justice reconnaîtra-t-elle son erreur? Dans ce récit, vous entendrez des extraits du documentaire intitulé « Présumé coupable », l'affaire Miss et Quieno, réalisé en 2008 par Dominique Hatt et produit par TGA Productions. Notre invité aujourd'hui, Léandre Boiseau, écrivain, auteur de l'ouvrage intitulé « Ils sont innocents », livre consacré à l'affaire Miss et Quieno, précisément. Léandre Boiseau est également président d'honneur du comité de soutien pour la révision du procès dans cette même affaire. Affaires sensibles, une émission de France Inter en partenariat avec l'INA, préparée aujourd'hui par Adrien Mora, coordination Christophe Barrère, réalisation Hélène Visio. Fabrice Drouel, Affaires sensibles, sur France Inter. Hiver 1946, la guerre est terminée, c'est l'heure de régler ses comptes. À la une des journaux, on relate les procès des collabos. L'euphorie de la libération a laissé place à la réalité du quotidien, qui pour l'instant ne s'améliore pas vraiment. On distribue encore des tickets de rationnement et des cartes textiles. Se nourrir, se vêtir et se chauffer, voilà les premières préoccupations. Et en cette année 46, l'hiver est particulièrement rude. La Loire, par exemple, est prise dans les glaces. C'est dimanche 29 décembre 1946, c'est le dernier jour de la chasse avant fermeture. Au cœur du Berry, à quelques kilomètres de Châteauroux, des groupes de chasseurs se rassemblent. Aller titiller le gibier permet d'améliorer un peu le quotidien. Dans cette région de la Brenne, plus sauvage et moins connue que sa grande sœur, la Sologne, on retrouve une grande diversité de gibiers, canards sauvages, lapins de garenne, grands lièvres roux. C'est dans ce pays de landes et d'étangs que se trouve l'immense propriété de Blison sur laquelle règne une famille, les Lebaudy. L'écrivain Léandre Boiseau en dresse le portrait. Lebaudy, les sucres Lebaudy, c'est 2800 hectares de terre à ce moment-là dans la région, 23 fermes, une structure un peu pyramidale hein, avec un régisseur, un garde-chef, de nombreux gardes, bref, un empire en quelque sorte. Parmi les employés de l'Empire, Lebaudy, on retrouve Louis Boitard. Lui, c'est un garde-chasse de 33 ans. Il surveille l'immense domaine, autant dire qu'il a beaucoup de travail. Car de nombreux prisonniers de guerre, revenus des stalags, se livrent au braconnage. Après 5 ans passés dans les camps, près d'un million d'anciens militaires sont de retour en France. Ils supportent mal les privilèges accordés aux petits seigneurs locaux comme les Lebaudy, une famille qui a décidé que, sur sa propriété, seuls les membres de la famille et ses employés peuvent chasser. Ce jour-là, une dizaine de chasseurs se réunit de manière informelle pour profiter de la dernière journée cynégétique. Certains viennent du village de Mézières-en-Brenne, d'autres de Saint-Genoux. Ils ne se connaissent pas tous, Le groupe s'est formé au gré des invitations entre amis, frères et cousins. Et ils le savent bien, pas question de chasser sur les terres des Le Baudy. Alors, ils restent en bordure du domaine, dans une zone où la chasse est libre. Parmi eux, il y a Gabriel Thiennot, qui n'a pas encore 20 ans. Lui, son truc, c'est plutôt le foot. Mais en ce dimanche, il n'y a pas de match, alors il se laisse tenter par une petite partie de chasse. Et il revient sur cet épisode des décennies plus tard. À un moment, je vois un lapin. Alors j'ai dit, moi j'avais à me tirer un gibier de ma vie, c'est le premier coup que je venais à la chasse de ma vie. C'est la première année que j'avais un permis. Ben, j'ai dit, je vais bien voir, je vais bien essayer, j'ai avancé. Le lapin, il est parti, je l'ai laissé avancer 35-40 mètres. Pain ! Je l'ai tué, j'étais heureux. Je reviens, je retraverse la haie, je présente mon lapin. Les copains, ils revenaient déjà, les autres chasseurs. Et avec moi qui avait un gibier, on est revenu à la camionnette, là, voilà. Là, on s'est dit au revoir. Et chacun rentre chez soi à bredouille, sauf Gabriel, qui est nous fier de rapporter son lapin. Le soir même, Gabriel échange son gibier contre deux cartouches, car les munitions coûtent cher. Et la prochaine fois, s'il est précis, il pourra tuer deux lapins. Voilà, une partie de chasse banale dans la France rurale de l'après-guerre. Or, ce jour-là, la vie de Gabriel Thiennot et des autres chasseurs va basculer. Il avait promis aux petites de venir au-devant de nous. C'était l'arbre de Noël, au château. Mais il n'est pas venu. Au dîner, il n'était pas là. Je ne me suis pas occupée de lui. J'ai mangé avec les gosses, sans m'inquiéter. Mais à 2h du matin, tout de même, c'est pas normal. Mais à 2h du matin, Louise Boitard, la femme du garde-chasse, frappe à la porte de son voisin, fermier du domaine. Elle est affolée. Son mari n'est toujours pas revenu de sa tournée. C'est donc ce qu'elle vient de confier à Paul Naudet. Paul Naudet, l'un des seuls voisins qui possède une voiture, emmène donc Louise Boitard au château. Parce que il faut donner l'alerte. C'est Monsieur Béthune, le régisseur, qui appelle les gendarmes. Les deux hommes en sont certains, Louis Boitard a été tué. Mardi 31 décembre 1946, les lecteurs du journal communiste La Marseillaise, l'un des quotidiens du département de l'Indre, découvrent l'histoire de la disparition de Louis Boitard. Le garde-chasse a-t-il été victime d'un accident, une chute peut-être, ou d'un coup de feu maladroit tiré par un chasseur qui ne l'aurait pas vu? A-t-il été victime d'un braconnier irascible qui l'aurait surpris sur les terres dont il avait la garde? Ou de la vengeance de quelques fraudeurs qui l'auraient verbalisé? Autant de questions qui restent sans réponse. Espérons toutefois qu'il soit rapidement découvert, car il est fort possible qu'il n'ait été, en fin de compte, que victime d'un mauvais tour, comme savent en jouer les bracos aux gardes, en les ligotant par exemple au pied d'un arbre de la forêt. Dans les cafés de la région, ce matin de la Saint-Sylvestre, l'histoire de cette mystérieuse disparition est sur toutes les lèvres, et chacun y va de son scénario. Vers 9h du matin, le corps de Louis Boitard est finalement retrouvé près d'un étang par René Baigneux, l'un des employés du château. Cela faisait plus d'une journée que les gendarmes et les fermiers fouillaient le domaine de long en large. En découvrant le cadavre, René Baigneux s'exclame « Ah, le malheureux, il est là !» Louis Boitard a été tué de 4 coups de fusil de chasse. L'enquête criminelle peut commencer, mais les indices sont maigres. Une empreinte de pas proche du cadavre et une heure possible de décès grâce à la montre du défunt. La Nouvelle République, un autre journal de la région, rapporte ce détail. La montre s'est arrêtée à 17h05, heure à laquelle, sans doute, le corps a été jeté à l'eau. Voilà pour les éléments matériels dont dispose le jeune juge d'instruction saisi de l'affaire à Châteauroux. Alors, place aux témoins. Tout d'abord, Désiré Brunet, infirmier de la région qui se souvient de cet après-midi du 29 décembre. Dimanche, vers 15h30, j'ai entendu près de l'étang des Brandes les bruits d'une discussion survenue entre le garde Boitard et un important groupe de chasseurs. L'un des braconniers cria très fort « Je t'emmerde ». Peu après, une camionnette chargée de chasseurs démarrait et se dirigeait dans la direction de la ferme de la Blinerie. D'autres témoignages viennent éclairer l'hypothèse d'une dispute avec le garde-chasse qui aurait mal tourné. Très vite, les gendarmes s'orientent vers la piste du groupe de chasseurs qui circulait en camionnette. Gabriel Thiennot, le jeune fan de foot qui a tué son lapin, est arrêté le premier. Ils passent le réveillon de la Saint-Sylvestre en prison sans vraiment savoir ce qu'on lui reproche. Le 1er janvier, Jacob Miss et ses fils Stanislas et Raymond sont interpellés à leur tour. Eux, ce sont des immigrés polonais arrivés il y a 6 mois dans la région. Et c'est dans leur ferme que les chasseurs se sont rassemblés. Lors de la perquisition, les gendarmes ont retrouvé 2 fusils de chasse et 14 cartouches, ce qui est somme toute normal dans une famille de chasseurs. Le même jour, le coup de filet continue. Au total, 9 chasseurs sont conduits à la gendarmerie. Ils ne le savent pas encore, mais une longue semaine de calvaire va commencer. Interrogés au départ par les gendarmes, les chasseurs, des jeunes hommes pour la plupart, n'ont qu'une après-midi banale à raconter. Mais avec l'arrivée de la police judiciaire et du commissaire Georges Darrow, ancien collabo aux méthodes brutales, éprouvées pendant le coup de passion, les chasseurs vont vite comprendre la gravité de leur situation. On les soupçonne du meurtre du garde-chasse Louis Boitard, rien de moins. Et le commissaire est persuadé que le ou les coupables se trouvent parmi ces jeunes chasseurs. Alors il va employer toutes les méthodes pour les faire avouer. Écoutez ce que dit l'écrivain Léandre Boiseau de cet homme au passé trouble. Le commissaire principal qui va s'amener ici, le commissaire Darrow, on le connaissait bien dans la région, puisqu'il avait été commissaire de police au Blanc, à 30 km de Mézières-en-Brenne, durant toute la guerre, où il s'était distingué par des lettres qui sont devenues depuis extrêmement compromettantes, des lettres de dénonciation de ce qu'il appelait, je cite, « des menées communo-gaullistes » qui étaient envoyées donc, aux autorités allemandes. Il s'était bien sûr fait remarquer dans la chasse aux juifs étrangers en août 42. Et comme bien d'autres, ce monstre a échappé à l'épuration. Cet homme au physique massif, 128 kilos, est prêt à torturer pour obtenir des aveux, dont acte. Les jeunes chasseurs, enfermés dans des petites cabanes, vont être extirpés chaque nuit pour subir des interrogatoires musclés dans une salle de la mairie de Mézières. Tout commence par des insultes et quelques coups de poing. Mais que peut-on avouer quand on n'a rien fait? Or, les policiers en sont certains, on peut tout faire avouer à n'importe qui. Avec leur chef, ils sont à bonne école, et ils le font comprendre aux chasseurs. Lors de l'interrogatoire, l'un des policiers, dont la Gestapo était fière, interpelle un chasseur. Ça, qu'est-ce que c'est? Un poêle à bois? Et ça? Une machine à écrire? Eh bien, il faut que tu saches qu'on te fera dire que le poêle à bois est une machine à écrire quand on voudra. T'as compris? Voilà. Voilà pour la méthode. Peu importe la vérité, ces policiers-là veulent des aveux, c'est tout. Parce qu'ils veulent des coupables, c'est tout. Et en même temps, ce n'est pas tout. Car un homme fait pression sur eux. Jean Le Body, le magnat du sucre, est propriétaire du domaine de Blison sur lequel veillait Jean Boitard, le garde-chasse assassiné. On se croirait sous l'ancien régime. Un seigneur et ses terres, les autres n'ont qu'à se taire. Gilbert Collard, qui deviendra l'un des avocats de Gabriel Thiénot et Raymond Miss pour la demande de révision de leur procès, explique en 1989, au micro de France Culture, les motivations de Jean Le Body. Le garde-chasse est tué. C'est pour Le Body une atteinte inacceptable au symbole, à l'idée de la propriété. C'est comme si la peur qu'il avait eue au lendemain de la libération se concrétisait d'un seul coup. On touche à sa propriété, on touche à son garde. Il faut donc, et il va payer pour ça, il va payer les policiers, il va payer les gendarmes, il va payer le commissaire Darrow, il faut des coupables. Une méthode qui ne choque personne à l'époque. Le Body signe un chèque de 50 000 francs aux gendarmes et un autre de la même somme aux policiers. Comme ça, pas de jaloux. En ces temps difficiles, il les fournit généreusement en alcool et en cigarettes. Enfin, il offre un chien de race au commissaire Georges Darrow. Un berger allemand peut-être. En tout cas, de quoi motiver les troupes. Jean Le Body se rend même parfois à la mairie pour assister aux interrogatoires. Aujourd'hui, tout cela semble surréaliste. L'état de droit copieusement piétiné, des flics achetés, un seigneur moyenâgeux, une population complice, en tout cas résignée à ce système féodal d'un autre temps. Bien que, à l'époque en effet, cette région est tenue par quelques propriétaires terriens ou industriels, souvent les deux, qui fournissent la majorité des emplois. Bon, des tâches parfois archaïques, comme pour ses employés chargés de l'eau courante. Au sens propre, oui, avec des hommes qui transportent des seaux d'eau en courant pour alimenter le bassin du château. Tous ces privilèges et cette mainmise sur les habitants de la région, Jean Le Baudy compte bien les garder. Pour lui, trouver le coupable du meurtre de son garde-chasse est une question d'autorité. On doit le craindre, donc la vengeance doit être immédiate. Bon, trouver un coupable, cela ne pose aucun problème au commissaire Darrot. Il sait faire. D'ailleurs, parmi le groupe de chasseurs, il a ciblé ses coupables idéaux. Deux figures que l'ancien collabo déteste, le sympathisant communiste et l'étranger. Autrement dit, Gabriel Thiénot, ou oui, le jeune fan de foot et sympathisant du PC, et résistant, Raymond Miss, lui, est d'origine polonaise, ce qui suffit pour Darrot à en faire un coupable. Voilà, comme dans une dictature, ou comme sous Pétain, ce qui renvoie à la même notion, il ne reste plus qu'à les faire avouer. Eux, mais également six autres chasseurs. Pour cela, les policiers et les gendarmes disposent de deux salles. Une chambre basse, où les interrogatoires se déroulent à coups de pied, à coups de poing, et la chambre haute, où l'on envoie les plus récalcitrants. Là, les sévices sont plus élaborés. Coups d'aiguille dans la chair et pointe d'un tire-bouchon dans les côtes. Quand les jeunes hommes s'écroulent par terre, agonisant, les policiers leur jettent un seau d'eau sur la tête et recommencent. Ils leur arrachent les oreilles et leur assènent des coups de pied dans le ventre. Gabriel Thiénot confie à France 3 en 1993 le supplice qu'il a le plus fait souffrir. Les policiers appelaient ça la prière des Juifs. On m'a fait la prière des Juifs, ça c'était la spécialité du commissaire Darrot. On mettait des bois à travers les... comme ça. Et on nous écrasait les cartilages des doigts en cassait, vous voyez. Et le 6 janvier, ben je signais en effet ce qu'il voulait. Il s'était arrivé à ce qu'il voulait. C'était le jour de mes 20 ans. Vous savez, on dit qu'on n'a pas tous les jours 20 ans, mais moi je me rappellerai toute ma vie de ce qu'on a pu subir. Ce 6 janvier 1947, Gabriel Thiénot supplie les policiers « Arrêtez, arrêtez, vous allez me tuer ». Après une semaine de torture, tous les gardés à vue signent des aveux ou des témoignages à charge pour mettre fin à leur calvaire. D'ailleurs, ils ne sont même plus en état de savoir ce qu'ils signaient. Peu importe, ils veulent juste que tout ça s'arrête. Horreur. Sommes-nous encore dans le cauchemar de l'occupation nazie? Dans la salle de la mairie, il y a du sang partout. Alors il fait nettoyer tous les murs de la salle pour que le conseil municipal puisse se réunir. Dans le village, on se doute bien de ce qui se déroule dans les salles de la mairie. À moins que ce ne soit à l'Omerta. Après tout, ils ont quand même tué un garde-chasse. Alors, on ferme ses volets pour ne pas entendre les cris de douleur. Une habitante témoigne dans un reportage télévisé de 1980. On entendait des cris de douleur. C'était atroce à entendre. Voyez-vous, quand notre travail était fait dans la cour, on rentrait, on fermait la porte et puis on fermait les volets pour entendre le moins possible. Et c'est certainement ce que tout le monde faisait à ce moment-là. Après 8 jours d'interrogatoire, les jeunes chasseurs sont soulagés d'aller en prison. Oui, ce sera toujours mieux que ces atroces tortures infligées quotidiennement par la police. En voyant l'état des jeunes gardés à vue, les gardiens de prison s'affolent. Ils font venir un médecin pour constater les nombreuses contusions. Ils ne veulent pas être tenus responsables de ces blessures. Quelques jours après leur incarcération, les chasseurs inculpés sont entendus par la juge d'instruction. Et tous reviennent sur leurs aveux. Ils ont signé des procès-verbaux, mais c'était pour mettre fin au supplice. Tous l'affirment désormais haut et fort, ils sont innocents. Le jour du meurtre, ils n'ont même pas rencontré le garde-chasse Boitard. Alors, comment auraient-ils pu être les auteurs de ce crime ? Pourtant, il y a un homme qui reste sur ses déclarations. Il faisait partie du groupe de chasseurs. Et selon lui, c'est bien Raymond Miss et Gabriel Thiénot qui ont tué le garde-chasse. Ce témoin à charge, c'est Albert Nisseron, le domestique de Christian Grosjean, l'un des chasseurs du groupe. Ah, il en apporte de l'eau au moulin des tortionnaires, ce Nisseron. Et, tiens donc, contrairement aux autres, il n'a pas été torturé, lui. Pendant toute la semaine des interrogatoires, il est même traité avec égard, nourri, logé à l'hôtel du Bœuf couronné de Mézières. et tout cela aux frais de Jean Lebaudy. Jugé quelques années plus tard dans le cadre d'une autre affaire, Albert Nistron sera examiné par des experts psychiatres et, selon eux, l'homme a l'âge mental d'un enfant de 9 ans. Très influençable, on peut lui faire dire n'importe quoi, n'importe quelle version des faits, il suffit de le persuader et, si cela ne suffit pas, eh bien, on le menace. Circonstance aggravante à ce déni de justice, très aggravante, il est le témoin clé de l'affaire Missetiano. Le 17 avril 1947, une reconstitution est organisée par le juge d'instruction. Sur les lieux du crime, les inculpés refusent de participer et continuent de clamer leur innocence. D'ailleurs, les familles des jeunes chasseurs ont fait appel à un détective privé pour mener une contre-enquête. Selon lui, c'est un braconnier qui a tué le garde-chasse. Il a profité de la présence des chasseurs pour leur faire porter le chapeau. 4 mois après le meurtre, la population de la région commence à douter. Et si finalement, Missetiano était innocent? Il était 5 heures du matin. On avançait dans les marais, couverts de brume. J'avais mon fusil dans les mains, un passereau prenait au loin de l'altitude. Les chiens pressés marchaient devant dans les roseaux. Par-dessus l'étang, soudain j'ai vu passer les oies sauvages. Elles s'en allaient vers le midi, la Méditerranée. Un vol de perdreaux par-dessus les champs montait dans les nuages. La forêt chantait, le soleil brillait. Avec mon fusil dans les mains, au fond de moi je me sentais un peu coupable. Alors je suis parti tout seul, j'ai emmené mon épagneul en promenade. Je regardais le bleu du ciel et j'étais bien. Par-dessus l'étang, soudain j'ai vu passer les oies sauvages. Elles s'en allaient vers le midi, la Méditerranée. Un vol de perdreaux par-dessus les champs montait dans les nuages. La forêt chantait, le soleil brillait. Faire sensible. Fabrice Drouel. 24 juin 1947, chaleur étouffante à Châteauroux. Une foule se presse dans le palais de justice pour assister au procès de Raymond Miss et Gabriel Thiénot. Les 6 autres chasseurs inculpés échappent à la cour d'assises, mais comparaissent devant le tribunal correctionnel quelques mois plus tard. Dans la salle d'audience, les 2 jeunes hommes découvrent le décorum d'une cour d'assises avec son président, ses jurés, l'avocat général et les avocats des 2 camps. Parmi eux, on retrouve un ténor du barreau, maître Maurice Garçon, nouvellement élu à l'Académie française. Lui défend la partie civile, autrement dit la veuve du garde-chasse, Louis Boitard. Mais c'est grâce à l'argent de Jean Lebaudy que le célèbre avocat est venu plaider à Châteauroux. Oui, l'industriel a décidément tout prévu. Le procès peut donc débuter. Mais sur quelle base? Car non seulement les accusés sont revenus sur leurs aveux, mais il y a très peu de preuves matérielles. Et puis surtout, il y a les méthodes policières. À ce propos, Gabriel Tieno déclare « Les policiers ont employé des méthodes de la Gestapo ». Dans la salle, une partie du public venu soutenir les accusés applaudit. Et maître Maurice Garçon rétorque « Ah, je vois que les accusés ont préparé leur salle. C'est scandaleux !» Dans la chaleur de la salle d'audience, les esprits s'échauffent. Les avocats des deux accusés démontrent les quelques preuves matérielles du dossier, notamment le fait que l'empreinte de pas retrouvée près du corps ne correspond à aucun membre du groupe de chasseurs. Les avocats de la défense vont plus loin et demandent des comptes aux enquêteurs. Avez-vous inspecté l'habitation de Désiré Brunet? Avez-vous regardé ses chaussures et son fusil? Ah, Brunet. Voilà. Le nom est lâché. Désiré Brunet. L'un des témoins clés du dossier judiciaire. Vous savez, il s'agit de cet homme qui dit avoir entendu une dispute entre le garde-chasse et le groupe de chasseurs. Les avocats de la défense le désignent à demi-mot comme le meurtrier du garde-chasse. Ils reprennent ainsi à leur compte la rumeur qui circule dans la région, mais aussi les conclusions du détective privé qui a enquêté à la demande des familles des accusés. Pour tous, le véritable coupable, c'est bien ce Désiré Brunet. Mais dans son réquisitoire, l'avocat général ne laisse aucune place au doute quant à la culpabilité de Gabriel Tieno et de Raymond Miss. Je suis absolument convaincu que Tieno et Miss sont coupables de cet acte abominable. Boitard est une victime du devoir, il a été tué sauvagement. Ce crime mérite le châtiment suprême. Mais avant de faire retomber l'arrêt sur leur tête, je vous demande de tenir compte de leur âge. Après les plaidoiries de la défense, comme le veut la procédure, la cour se retire. À 3h40 du matin, elle rend son verdict coupable. 15 ans de travaux forcés, la salle s'insurge, la mère de Gabriel Tieno fond en larmes. Quelques mois plus tard, les autres chasseurs sont condamnés en correctionnel à des peines allant de 18 mois à 2 ans de prison. Et ce, malgré une défense assurée par un avocat de renom, maître André Le Trocaire, rien de moins que le président de l'Assemblée nationale. Il est venu défendre les chasseurs, car il est persuadé qu'ils sont tous innocents. Mai 1948, rebondissement dans l'affaire. La cour de cassation casse le jugement de la cour d'assises de Châteauroux qui avait condamné Gabriel Tieno et Raymond Miss. Et pour le nouveau procès, c'est maître André Le Trocaire qui sera face à l'académicien maître Maurice Garçon, un duel au sommet qui mobilise la presse nationale et les curieux. Mais rien n'y fait. Malgré la défense de Trocaire, le 3 décembre 1948, les deux jeunes hommes sont de nouveau condamnés et la sanction est encore plus lourde, 20 ans de travaux forcés. Dans la salle, un vent de révolte souffle et ce cri fuse. Miss et Tieno, innocents. Un an plus tard, fait assez rare pour être souligné, le jugement de la cour d'assises est une nouvelle fois cassé. Mais le 7 juillet 1950, la cour d'assises de Bordeaux condamne une troisième fois Gabriel Tieno et Raymond Miss. On revient à 15 ans de travaux forcés. Les deux hommes recouvrent la liberté 4 ans plus tard, après avoir été graciés à mi-peine par le président de la République, René Coty. Oubliée peu à peu au fil des années, l'affaire Miss et Tieno revient sur le devant de la scène en 1980 avec Léandre Boiseau qui publie un ouvrage intitulé « Ils sont innocents ». Cette publication est suivie d'un large soutien populaire qui se structure autour d'un comité pour la demande de révision du procès de Miss et Tieno. Léandre Boiseau explique cet engouement dans un reportage télé. Populaire à Miss Tieno et les autres, c'est d'abord et avant tout 15 à 16 réunions faites dans tout le département. C'est aussi 7000 signatures collectées. Dans certains villages, 98 à 99% des gens ont signé ces appels en faveur de la révision du procès Miss Tieno. Et pourtant, à l'époque du crime, à peu près toute la population était contre eux. C'est vrai. Mais je crois que la réaction de la population actuellement est d'autant plus forte qu'elle a eu le sentiment d'avoir été abusée il y a 30 ans. Ce mouvement de soutien débouche sur une demande en révision du procès en juillet 1980 par maître Jean-Paul Thibault. Elle est rejetée 2 ans plus tard. Mais Raymond Miss et Gabriel Thiénot n'abandonnent pas. Rejoints dans leur combat par l'avocat Gilbert Collard, ils déposent une nouvelle demande en révision en 1988. À l'annonce de la décision, c'est le dépit et la colère. La demande de révision ne peut être admise. Par ces motifs, rejette la demande de révision. L'audience est suspendue. Gabriel Thiénot est comme assommé. L'arrêt que vient de lire le président Ledoux balaye 40 ans de lutte et d'espoir. Un dernier regard sur les 24 plus hauts magistrats de France, et c'est fini. Dans les rangs de tous ceux qui ont soutenu les deux hommes, c'est la colère. Dès que nous allons rentrer chez nous, nous allons faire le procès réel de cette fausse justice. Parce qu'on avait encore confiance à ce haut magistrat, mais vraiment... Oui, parce qu'on a dit quand même... Je crois qu'on leur avait amené l'assassin aujourd'hui, eh bien ça aurait été pareil. C'est la même chose. On ne nous aurait pas encore rendu justice. Je me demande ce qu'il fallait leur amener, je me le demande. En 1993, une nouvelle demande est déposée, c'est encore un refus. Même chose en 96, un quatrième rejet. Malgré la détermination des avocats et du comité de soutien, la justice reste sur ses positions. En juin 2003, Gabriel Thiénot meurt à l'âge de 76 ans. Il n'assistera pas au cinquième rejet de demande en révision prononcé en 2007. Maître Jean-Paul Thibault est scandalisé par ce nouveau refus. Cette justice est quelque part malade. Malade de croire à son infaillibilité, malade d'être imperméable à la notion de doute, malade de refuser de voir l'évidence. On se demande si une telle justice aurait finalement reconnu l'innocence de Dreyfus. C'est un grave recul, c'est une grave déception. Très fatigué, Raymond Miss, lui, n'a pas assisté à l'audience. Mais il réagit face aux caméras de télé et continue de clamer son innocence. Maintenant, j'espère qu'il y a encore quelque chose, parce que, comme il a dit, comme l'avocat, comme il dit, mais t'en fais pas, Raymond, on va faire quelque chose. Si on trouvera toujours quelque chose, alors, jusqu'à la mort. Moi, comme j'ai dit, je me battrai jusqu'à la mort, et c'est tout, et je suis innocent. Et voilà, mais c'est tout. Voilà. Ça, c'est... Oui. Deux ans plus tard, Raymond Miss meurt à son tour. Mais Léandre Boiseau et le comité de soutien poursuivent inlassablement le combat pour la réhabilitation de Gabriel Thiénot et de Raymond Miss. En 2013, une sixième demande est déposée, retoquée. Et en 2015, c'est encore un refus. L'affaire Miss et Thiénot est décidément hors norme. 70 ans de démarches judiciaires, 3 procès aux assises, 2 arrêts cassés, des ténors du barreau, 6 demandes de révision rejetées et possiblement l'une des plus graves erreurs judiciaires du XXe siècle. Mais peut-on vraiment parler d'erreur judiciaire ? Ne s'agit-il pas plutôt d'une machination, d'un complot où les coupables ont été désignés directement par les policiers commandés par un ancien collabo méthode gestapiste, y compris pendant la paix revenue, et tout cela sous la pression d'un riche industriel ? Aucune preuve matérielle solide, des aveux obtenus sous la torture, et une justice qui s'entête à ne pas se déjuger. Non, nous ne sommes pas là dans l'erreur judiciaire, nous sommes là dans l'horreur judiciaire. Le vent du midi s'abat en rafale sur la vallée noire où les arbres ploient leurs bras désolés, fume du gitane. J'ai froid. Une fois de plus, tous les droits de l'homme sont foulés aux pieds, sont jetés à bord. Les maîtres sanglés dans leurs uniformes, j'ai froid. la grande injustice, la force imbécile triomphe du droit. Quand la liberté tombe sa pelisse, j'ai froid. Encore une fois, les lettres anonymes, la bêtise épaisse en guise de noix. La salve éclatant au milieu de l'hymne, j'ai froid. Si la bête immonde sort de sa tanière, nous retrouverons le chemin des bois. Mais dans ma valise, un gros poulet vert, j'ai froid. Dans tes yeux soudains, ivre de colère, la révolte éclaire un grand feu de bois. Qu'en fera-t-il donc le tour de la terre? J'ai froid. Qu'en fera-t-il donc le tour de la terre? J'ai froid. Vous écoutez Affaires Sensibles sur France Inter. Aujourd'hui, l'affaire Miss Etienneau avec notre invité que nous avons entendu plusieurs fois pendant le récit, Léandre Boiseau. Bonjour. Bonjour. Vous êtes écrivain, auteur de l'ouvrage intitulé « Ils sont innocents » consacré à l'affaire Miss Etienneau. Évidemment, vous êtes également président d'honneur du comité de soutien pour la révision du procès des deux hommes. Alors, le cadre, la région, c'est important parce qu'on voit que c'est une histoire qui est devenue nationale, mais c'est au départ une histoire locale, une histoire d'hommes et de femmes qui appartiennent à la même terre. C'est la Brenne dans le Berry. Alors c'est pas le du côté louant la maison de Georges Sand, hein, c'est l'autre partie. Oui. Georges Sand, c'est plutôt le Berry du Bocage, vous c'est le Berry des étangs, c'est 51 communes la Brenne, 33 000 habitants, 183 000 hectares, 3 300 étangs peuplés de 800 tonnes de poissons. Voilà pour votre bonne année. Pour votre région naturelle de la Brenne. J'insiste là-dessus. Vous êtes né là, d'ailleurs, oui, vous. Bon. Oui. Et vous ressentez, comme beaucoup de gens de la Brenne, cette histoire comme une histoire qui fait partie de votre presque culture, j'ose dire. Ben, je l'ai vécu comme un déni de justice étant enfant. Ouais. Un déni de justice, mais et en même temps, j'ai l'impression, vu le comité de soutien, que beaucoup de gens de la Brenne, de cet endroit-là, ressentent la même chose. Ça fait partie de leur histoire. Bien sûr. C'est notre histoire. Ça se passe dans un périmètre particulier et ça se passe à une période particulière aussi, qui explique peut-être, s'il y a moyen d'expliquer. Et on va y revenir. C'est très important, vous avez raison. Cette affaire. Alors, à la fin des années 70 et début 80, vous vous lancez donc dans l'écriture de l'ouvrage « Ils sont innocents ». Alors, votre intention, elle est claire. C'était pour prouver une fois de plus, et après d'autres travaux, qu'ils sont innocents. Mais au-delà de ça, qu'est-ce qui vous a tant touché? Déni de justice, mais quoi encore? Mais ma rencontre avec Gabriel Thiénot. Ah. Quand il est sorti de prison en 54, je l'ai rencontré. Et cet homme avait quelque chose du charisme, une gentillesse naturelle qui m'a beaucoup touché. J'ai toujours pensé à ce moment-là, immédiatement, qu'un assassin ne pouvait pas avoir cette attitude-là. Mmh. Et ça m'a conforté dans mon idée que c'était un déni de justice, vraiment, que c'était une triste affaire, quoi. Et je me suis dit que si j'en avais l'occasion un jour, j'aiderais à ma manière pour essayer de prouver leur innocence. Et votre manière, c'est le livre. Voilà. Il est bien accueilli par le public, il relance l'affaire, un comité de soutien est créé. Racontez-nous cette période, justement, le moment où le livre sort. Alors, faut savoir que lorsque le livre est sorti, d'abord je l'ai écrit avec beaucoup de précautions, parce que j'ai été menacé de procès en diffamation par le commissaire Darrow, qui vivait encore à cette époque-là. Et par précaution, précisément, on a fait en sorte avec mon éditeur que ce livre soit vendu avant sa sortie officielle. On a fait une souscription qui a été qui a retenu 1550 souscripteurs. Bien joué. Et donc les livres étaient envoyés aux 1550 souscripteurs avant sa parution officielle pour éviter qu'ils ne soient saisis, parce que j'avais peur de ça. Bien sûr. Pour la petite histoire, sachez aussi qu'il n'a pas eu le droit d'être vendu à Mézières-en-Brenne, dans la maison de la presse de Mézières-en-Brenne. On me l'a refusé. C'est dire s'il y avait encore des forces vives pour empêcher la vérité de paraître. Et il est sorti en quelle année exactement? En 79-80. 79-80. Oui. Et il s'est quand même vendu à Mézières-en-Brenne. Hein. Il s'en est vendu 400, je crois, à Mézières-en-Brenne, sous le manteau, au bistrot des Amis, derrière la triste ancienne gendarmerie de Mézières-en-Brenne. Et aujourd'hui, on peut le trouver? Aujourd'hui, on peut le trouver, bien sûr. Et tout de suite, ça a été un écho mais formidable. On a fait une réunion d'information avec Gabriel Thiénot, à Mézières-en-Brenne, précisément. Mm-hmm. Le climat était froid au départ. Et puis, ça s'est détendu. Et cette réunion s'est très très bien passée devant un public nombreux. Et à partir de là, on a eu l'idée de créer un comité de soutien et puis de mener des réunions partout dans le département avec un point d'orgue à Châteauroux où il y avait 1500 personnes réunies dans une salle à Belle-Île. 1500 personnes, c'est énorme. Il y avait plus de place d'ailleurs. Il y a des gens qui sont repartis. Et comment ont réagi Raymond et Gabriel? Ah, Raymond et Gabriel, écoutez, quand je suis allé voir Gabriel Thiénot pour lui demander de si je pouvais écrire ce livre, il m'a dit, si tu me dis que tu veux l'écrire, j'ai confiance en toi. Et à partir de là, tout est dit. Mais oui. Vous ne pouvez pas faillir. Raymond Miss, pareil, j'étais en relation permanente avec eux, et j'ai eu la chance, c'est quand même une chance extraordinaire que j'ai eue, d'avoir accès au dossier. Effectivement. Voilà. Contre toute attente, parce que c'est normalement, j'aurais dû attendre beaucoup plus longtemps pour l'avoir. Et je suis tombé sur un magistrat de grande qualité, un homme très intéressant, qui m'a donné l'autorisation de consulter ce dossier au greffe du tribunal du Blanc, là où j'exerçais. Bien. Ce que j'ai fait pendant un mois. Et alors, et ça vous a forgé une intime conviction, conviction selon laquelle Miss et Thiénot sont innocents, ça c'est presque un prérequis pour ce qui vous concerne. Mais si c'est pas eux, ce ne sont pas eux, ils sont innocents. Il y a quand même bien un coupable. Le Boitard, c'est pas suicidé. Hein. Bien sûr. Donc votre intime conviction là-dessus. Ah ben, elle s'est forgée mon intime conviction à la lumière des événements qui étaient et puis de ce que disaient les gens dans la région. Enfin, même sa fille l'a accusé un temps. L'assassin. Elle s'est rétractée. Sa petite-fille, l'arrière-petite-fille, je connais toute la famille. Bon, il pense que c'est le grand-père qui a fait ça et il n'a jamais été inquiété. Alors, on va écouter justement une archive extraite du journal télévisé de France 3 Région Centre. Elle date de novembre 2007. On y entend une certaine Muguette Grésillot. Témoin de l'affaire Miss et Thiénot, elle rencontre le moment où Désiré Brunet, ce fameux Désiré Brunet, lui fait comprendre, il lui dit pas ouvertement, mais que c'est lui le meurtrier, écoutez. Il était assis auprès de mon mari, ils discutaient normalement, et à un moment donné, il est venu à parler de Gabi, ce qu'on appelait toujours Gabi. Et puis c'est là qu'il a dit, il me dit non, il dit, hein, je l'ai échappé belle, parce que si ça avait pas été eux, qu'elle était en prison, c'était moi. Alors je me suis retournée, j'étais quand même surprise de sa réaction, de sa façon de discuter, quoi. Et quand il est parti, vous vous êtes dit quoi? Oh ben là, j'ai dit, ben, si on avait un doute, il n'y a plus de doute maintenant. C'est tout. Il n'y a plus de doute, c'est-à-dire? Ben, c'était lui qui l'avait tué, il n'y avait pas de doute. On ne fait pas de réflexion comme ça quand on n'a rien fait. Qu'est-ce que vous en pensez? Ben, je pense comme elle. Mais nous sommes nombreux dans la région à penser comme elle. Tout le monde pense ça. Les circonstances, d'ailleurs, elles ont été décrites par un témoin. Madame Dessart, qu'on a citée comme témoin, explique comment ça s'est passé, parce qu'elle travaillait chez Désiré Brunet. Donc elle a eu la relation du meurtre par une des filles. Et qu'est-ce qu'il est venu, ce Brunet? Ben, il est mort dans son lit. Bon. Alors, on voit que cette affaire est évidemment

preuve peut-être bien de votre inexistence. Les imbéciles heureux qui sont nés quelque part. Les imbéciles heureux qui sont nés quelque part. Léon Remoiseau, à propos de votre combat, le combat que vous menez avec le comité de soutien pour la révision du procès de Miss Etienno, énième demande, voilà ce que le 7 mars 2014, l'avocat général Monsieur Bocon-Gibault vous a répondu après l'examen de la sixième requête en révision. Il dit, je le cite, hein, c'est une longue phrase de 8 lignes sans beaucoup de ponctuation, je ne sais pas si la justice n'aime pas les ponctuations, on va essayer de vous la dire de façon intelligible. Il dit donc, l'avocat général, il est indiscutable à cet égard que si le procès dont la révision est demandée était jugé aujourd'hui, les procès-verbaux contenant les aveux des intéressés et les déclarations de ceux qui les accusaient auraient, avec les actes et pièces en découlant, donné lieu à de sérieuses exceptions de nullité en raison des trop graves suspicions de violence pesant sur les conditions dans lesquelles ces aveux et déclarations ont été recueillis. Bon, on ne comprend pas forcément tout le détail, mais on comprend clairement le sens général. Ces pauvres Miss Etienno ont été jugées en 1946. Trop tôt, voilà, c'est ça. Ça veut dire tout simplement ça. Oui, et quand le président de la dite commission ajoute « Adressez-vous aux législateurs », tout est dit. Ça veut dire que les magistrats de la Cour de cassation pensent qu'ils n'ont pas les moyens juridiques de réviser le procès et qu'ils ils souhaitent pouvoir le faire, sans doute, hein, en bons juges qu'ils sont, et qu'il faut qu'on s'adresse aux parlementaires, ce que nous sommes en train de faire. Le comité de soutien demande, on a demandé à nos deux députés de l'Indre de nous permettre de rencontrer les présidents de groupes parlementaires respectifs, et on va faire auprès de tous les groupes parlementaires pour qu'il y ait un amendement à la loi sur la révision des procès qui stipule que des aveux obtenus sous la torture sont nuls et non avenus, et donc c'est forcément l'occasion de réviser un procès. Oui, ben, tout ça est concret. Hein. La balle est dans le camp des parlementaires. Parfait, mais votre travail est concret. En tout cas, combien de personnes participent à ce comité de soutien ? 250 personnes. Il y a 40 ans après, le comité de soutien est composé de 250 personnes, avec un conseil d'administration qui est une trentaine de militants vraiment toujours présents, très actifs, qui se battent, qui auprès des communes, auprès des élus, auprès de la population. Et je crois qu'il 27 communes de la région, cette région naturelle de la Brenne, ont décidé d'appeler une place Miss Etienno. Voilà, une place ou un édifice public ou une rue. 26 jusqu'alors, 27 bientôt, le 14 décembre, ce sera à Chaillac dans l'Indre. Ça veut dire que des élus décident, c'est incroyable, décident de donner le nom d'une place à leur commune, Miss Etienno, alors qu'ils sont toujours coupables. Officiellement coupables, c'est incroyable. Oui, c'est incroyable. Et d'ailleurs, les deux premiers, le maire du Poinçonnet et le maire de Villedieu, ont été menacés au départ du tribunal administratif. Bon. Mais le préfet a fait marche arrière. Alors, on va terminer avec une déclaration qui va faire vraiment écho à tout ce que vous dites. Extrait de l'émission intitulée « Dans le prétoire » diffusée sur France Inter en mars 2014. Maître Jean-Pierre Mignard, l'avocat Jean-Pierre Mignard, qui défend le cas de Miss Etienno, explique pourquoi la justice s'enorgueillirait à blanchir les deux hommes. Évidemment, je conçois que la Cour de cassation puisse dire on ne veut pas non plus être rejugé toutes les affaires. Mais là, on leur pose une vraie question de droit. Si la Cour de cassation nous donne raison, elle dira à toutes les juridictions de France, et ce sera suivi ailleurs, ce sera commenté en Angleterre, ce sera commenté aux États-Unis, et j'espère un jour en Russie, on dira en France, la Cour de cassation considère que lorsqu'une personne a été torturée, quoi qu'il ait pu être dit, ça n'a aucune valeur à ses yeux, et le procès verbal qui est obtenu sous la torture est déchiré, il est détruit, il est cancellé. Et ça, c'est un grand message d'humanité et de droit. Voilà, on a 15 secondes pour me prendre votre réaction. Qu'est-ce que vous en pensez ? Ça tient debout, évidemment. Hein. Oui, c'est bien forcément, c'est ce que nous attendons. Ouais. C'est ce que nous attendons des parlementaires. Bien, ça sera le mot de la fin. Merci infiniment, Léon Remoiseau. Si cette histoire vous a frappé, je pense qu'elle est quand même frappante, vous pouvez donc y revenir en lisant « Ils sont innocents », l'affaire Miss Etienno aux éditions La Bouinotte, signé Léon Remoiseau, que je remercie une seconde fois. Au revoir. Au revoir.